week-end à la nuit tombée. Tu te cherches un endroit branché où la musique fait sa loi. Pour suivre tes pas, tu dois trouver un roi. N'importe qui ferait la. Dans la danse, et dès que tu t'élances, t'es comme une dancing queen, reine du bal quand tout s'illumine. Dancing queen, douce et belle dans la tambourine. Oh yeah. Quand tu tu les allumes.